Vous avez de gros problèmes électriques et ne savez pas vers qui vous tourner? Les entreprises Roderick Piquette sont la solution. Une équipe d'expérience impliquée dans son milieu avec un service au comptoir complet qui solutionnera tous les problèmes résidentiels, que ce soit du fil, au câble, aux boîtes électriques ou toute autre pièce. Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tout ce qui est branché, c'est notre spécialité. Osez demander. Les entreprises Roderick Piquette, 410 8e Avenue, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2275. Toute notre équipe désire féliciter Shane Gauthier pour sa sélection avec les Blue Bombers de Winnipeg. J'ai annoncé ce matin dans le bulletin de sport local et régional que tous les billets étaient déjà vendus pour le match du 25 août à Robertval, opposant les Saguenay de Chicoutimi aux Cataractes de Shawinigan. J'ai essayé de le rejoindre la semaine passée, j'ai pas été capable, mais on va lui parler quand même des Saguenay de Chicoutimi, de l'organisation des Sagues. Marc Denis, salut Marc! Salut Denis, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Hey Marc, moi j'ai parlé à Hugo Martin en dehors des ondes, t'es très heureux déjà. J'imagine que pour l'organisation des Saguenay de Chicoutimi, c'est comme... Écoute, t'aurais envoyé n'importe qui contre Samuel Girard, c'est pas vous insulter, mais déjà à Robertval, Samuel Girard est une grande vedette. À quelque part, ça doit vous satisfaire quand même. Oui, absolument, on est très satisfait. Cette aventure-là, on est en train de mettre en place, et qu'on réussit grâce, entre autres, au hockey mineur de Robertval, qu'on salue d'ailleurs. Les astres étaient vraiment alignés. Bon, tout d'abord, les cataractes de Shawinigan, oui, on nous a assuré du côté de l'organisation des cataractes, qui est très collaboratrice, que Samuel Girard serait en uniforme. Évidemment, on peut pas deviner l'avenir, là. Ouais. On espère que tout le monde sera en santé et disponible. Mais Samuel Girard, il sera de notre côté. Yannick Jean m'a donné l'assurance également que Louis-Philippe Simard de Mastriache, il sera aussi. Alors, on retourne aux sources. Et pour nous, c'est une chose de parler d'une équipe d'une région, c'est une autre de poser des gestes concrets. Et on est très content de pouvoir le faire. On sait très bien que les gens vont accueillir Samuel Girard de belle façon. On sait très bien que les gens seront contents de voir les Sags aussi. Je pense qu'il n'y a pas de perdant dans cette aventure-là, peu importe le résultat du préparatoire entre les Saguenay et les Cataractes. OK. Est-ce que, bon, Samuel est là, c'était la clé. Louis-Philippe Simard, Jean-Simon Bélanger, j'imagine, qui vient de l'adorer, j'imagine également, va être en uniforme. Mais est-ce qu'il va y avoir des joueurs intéressants quand même, à part ça, chez les Saguenay, là? Est-ce que vous pouvez... On n'a pas le choix. Ouais, OK. On n'a pas le choix, Danny. On n'a pas le choix parce qu'avec les nouveaux règlements de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ces nouveaux règlements-là concernant l'école, le cégep, les cas d'entraînement qui sont plus tardifs, ça va ressembler à un ou deux joueurs près d'une équipe complète de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Okay. Alors, c'est du hockey de calibre qu'on va voir. Pour ce qui est des autres joueurs de la région, tu as parlé de Jean-Simon Bélanger, on peut parler de Mathias Leduc. Il va en avoir beaucoup au camp d'entraînement des Saguenay de Chicoutimi. Je ne sais pas si on va être en mesure, cependant, rendu à cette étape-là du camp, parce qu'on va déjà être rendu à l'institut de bout. Je ne sais pas si on va être en mesure d'avoir encore tous ces joueurs-là qui seront et qui seront en uniforme. Mais si on peut le faire, je suis certain, on le fera. Et on va également s'assurer d'avoir une équipe qui est compétitive sur la glace là-bas. Les gens vont avoir le droit à un match de qualité de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Évidemment, l'intérêt au niveau du classement, il n'y sera pas. L'intensité, je ne peux pas vous garantir que ce sera comme dans les séries éliminatoires, mais le calibre des joueurs qui sera présents sur la patinoire sera assurément très intéressant. Marc, est-ce que c'est un... Là, c'est une première. Ça faisait longtemps que les Saguenay n'avaient pas été dans le Haut-du-Lac. À la mémoire, c'est il y a quelques années à Normandin. Tu n'étais pas dans dans l'organisation, mais... on avait joué un match puis ça avait pas été, les gens n'avaient pas été contents parce qu'il n'y avait pas eu une belle alignement. Mais est-ce que c'est quelque chose éventuellement que ça va devenir une tradition chez les Saguenayens? Parce que de jouer à Alma, jouer un match par année, je ne sais pas moi, à Alma, ça peut être à Dolbeau-Mistassini, à Saint-Félicien et retourner à Robertval. Ça peut-tu devenir une tradition? Saint-Félicien, ouais. La région du Saguenay, qui est une grande région également, qui n'est pas exploitée. C'est sûr que ça fait partie des possibilités. Aujourd'hui, je peux pas vous garantir que ça va devenir une classique annuelle parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Évidemment, ça dépend toujours de l'horaire, pré-saison aussi. On se doit de respecter la base des détenteurs de billets de saison et d'avoir au moins deux matchs par année pré-saison au Centre Georges Vézina. Mais quand les astres sont alignés, on n'hésitera pas. Alors, on va voir, on va attendre. On sait déjà que ça va être un succès à Robertval. On va le vivre aussi. Ouais. On va avoir le support de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Et on doit aussi avoir le support de l'équipe adverse. Ça, c'est quelque chose qui a été très important pour nous, que les Cataractes de Shawinigan collaborent de cette façon-là. Parce qu'il ne s'agit pas d'un match préparatoire, comme c'est le cas, entre autres, aux Îles-de-la-Madeleine, qui est présenté par la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, mais bel et bien une initiative des Saguenayens de Chicoutimi et du hockey mineur de Robertval. Alors, c'est vraiment notre organisation qui s'est assuré que ce match soit présenté. Et ça, ce serait important donc d'avoir la collaboration de l'équipe adverse. Alors, on va s'y pencher sur une base annuelle. On ne ferme certainement pas la porte, mais oui, ça entre en plein dans le genre de valeur qu'on veut véhiculer avec avec l'équipe des Saguenay-Chicoutimi. Et sont réellement un peu partout. OK, OK. Marc, parce que faut pas oublier une chose, hein, les Marquis de Jonquière, eux, 20% de leur clientèle est du Lac-Saint-Jean. Donc, c'était à développer, cela. Donc, quand on dit que c'est à développer, c'est à développer. Et puisqu'il est question de développement, vous aviez annoncé que pour ce printemps qu'il y aurait deux personnes du Lac-Saint-Jean qui seraient sur le comité. Est-ce que ça, c'est déjà trouvé, ça? Ben écoutez, le processus n'est pas encore complété. Quand on avait annoncé, il faut dire que les propriétaires de l'équipe, donc la Ville de Saguenay, l'ont annoncé. Et nous, clairement, c'est quelque chose qui nous satisfait. On attend que le tout soit complété. Il y aura des annonces. Je peux vous dire, écoutez, j'allais être capable de lire entre les lignes. Ouais. Je peux vous dire que vous ne serez pas déçus, mais je peux pas vous donner le nom aujourd'hui. Je peux pas faire d'annonce. Saguenay, de Chicoutimi, dans notre organisation, va faire des annonces très bientôt. On attend que le processus soit complété. Clairement, tout le monde aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Ouais. Une chose certaine, c'est que c'est bien enclenché et on va respecter, non seulement on va être fiers de pouvoir présenter les gens qui vont faire partie de notre conseil d'administration. OK. Vous donnez quoi, à peu près, jusqu'au mois de septembre, à peu près? Ouais, bon, on espère être en mesure de tout faire ça avant le premier match de la saison régulière. Okay. Ça, c'est sûr et certain. De dire que ça va être avant le camp d'entraînement, je le sais pas, je l'espère aussi. Écoutez, nous, on serait prêts immédiatement à aller en annonce. On va respecter le processus. Nous, le respect, c'est un mot qui est très important dans notre organisation. On va le faire et je vous le dis, là. Je vous le dis, on va être très fiers d'annoncer les gens qui font partie du conseil d'administration. Puis je pense que vous allez l'être. La campagne des billets de saison aussi, ça bat son plein aussi. Les ventes, comment ils vont? Oui, les ventes vont bien pour le renouvellement. On est à quelques heures, à quelques jours d'annoncer tout ce qui va se faire. On a déjà annoncé le défi, le tournoi des recrues qui aura lieu du 18 au 20 août au Centre Georges Vézina, où les recrues de quatre équipes, les Saguenay évidemment, le Drakkar de Baie-Comeau, l'Océanique de Rimouski et les Remparts de Québec, un tournoi de recrues qui va avoir lieu au Centre Georges Vézina. On va en profiter pour être prêt pour cette campagne de billets de saison. Ça va bien, mais c'est pas encore dans les mœurs de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean de renouveler ou d'acheter ses billets de saison pendant la période estivale. Là, c'est le retour des vacances de la construction. On laisse le temps aux gens de revenir, mais on veut que la fièvre du hockey junior reprenne et on est certain qu'elle peut reprendre. Pas juste à Chicoutimi, tu en as parlé, le reste du Saguenay et le lac Saint-Jean aussi. Et on compte sur les partisans, mais quand je dis on compte, c'est qu'on les tient pas pour acquis. Mmh. On veut les reconquérir, on veut qu'ils soient là pour les bonnes raisons. On a prouvé, du moins l'équipe sur la patinoire a prouvé, qu'on pouvait regarder cette équipe-là avec un avenir un peu plus brillant que par le passé. Et en continuant dans cette progression-là, on pense qu'on va ramener les gens. On a un effort à faire de notre côté. Je pense que les gens vont faire leur effort aussi et on doit ramener un peu plus de monde. On doit avoir une plus grosse base de détenteurs de billets de saison si on ne s'en cache pas. OK. Le tournoi des recrues, là, j'aime ça, moi. C'est une belle formule, hein? C'est une formule de fun, ça. C'est un peu comme la Ligue nationale qui ont calqué ça, le tournoi des recrues. C'est un peu la même formule, quoi? Ouais, c'est un peu la même formule. Du côté des Saguenay, nous, on va avoir 28 recrues, donc des joueurs repêchage, des joueurs invités qui vont être présents pour cette séquence du camp d'entraînement, là. Parce qu'on a repoussé la date du camp d'entraînement proprement dit et parce qu'on doit se dépêcher à cause du début des classes, au secondaire et au cégep, je pense que c'est une formule qui va être adaptée, qui va être adoptée, pardon, dans à peu près 80% des marchés de la Ligue nationale, de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Nous, on est très contents de pouvoir le présenter à Saguenay. Ça prend des infrastructures quand même assez spéciales. La base de Bagotville va être mise à contribution parce qu'on doit être capable d'héberger tout le monde, de loger, de les nourrir, d'avoir un accès quand même assez rapide au niveau du déplacement. Alors, c'est pas dans toutes les villes qu'on peut venir à tenir ce type d'événement et nous, on va être capable de le faire. Marc, en terminant, tu as parlé de vendre les billets de saison, de vendre également le lac Saint-Jean. Quelque chose qui a été, selon moi, là, c'est une opinion bien personnelle, là, qui a été une grosse erreur, c'est les droits de radiodiffusion l'an dernier, que les gens pouvaient écouter les matchs des Sags sur Internet. C'est pas tout le monde, là, qui... Moi, je suis une radio Internet, c'est sûr, mais je suis pas tout le monde, là, qui... Internet, que les gens sont encore familiers. Est-ce qu'à l'heure actuelle, les droits de radiodiffusion vont être écoutés, les gens vont pouvoir l'écouter sur une radio conventionnelle et également disponible au Lac-Saint-Jean? Oui, la radio, La réponse, c'est oui, mais en même temps, je veux juste apporter une petite précision. C'est pas nécessairement une décision. Les radios régionales n'ont pas démontré un grand intérêt envers les Saguenay-Chicoutimi et la radiodiffusion des matchs l'année dernière. Nous, quand on est arrivé, la décision était déjà prise. On a tenté d'avoir les matchs sur les ondes de la radio. Il n'y a personne au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est intéressé. Quand je dis personne, il n'y a aucune station de radio qui est intéressée à voir les matchs des Saguenay. Alors, c'est pas seulement, loin de moi, l'idée, loin de défendre l'ancienne équipe de station qui était là, mais ils se sont retrouvés devant un fait accompli. On a travaillé d'arrache-pied, on a travaillé très fort, et on est content de pouvoir annoncer que les 34 matchs à l'étranger seront disponibles sur le réseau Énergie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc disponibles partout au Saguenay et au Lac-Saint-Jean grâce à une antenne forte. Les matchs à domicile seront encore sur Internet, malheureusement, on va dire, mais on est parti de zéro. Mm. On est très content de pouvoir dire qu'aujourd'hui, il y a 34 des matchs qui sont présentés. Tous les matchs des séries, comme ça a été le cas l'année dernière, vont être présentés aussi. Ça, tous les matchs, qu'ils soient à domicile ou à l'étranger, vont être présentés sur les ondes traditionnelles. Moi, ce que je vous dirais, c'est de notre côté, du côté de l'équipe administrative et de gestion, et du côté de l'équipe de hockey, et du côté de la frénésie populaire. Les gens de radio, là, soyons honnêtes, étant ça de la radio aussi, plus t'as de gens qui écoutent et plus t'as de gens qui veulent un produit, les gens qui sont dans le commerce ne seront pas dupes. Ils vont mettre ces matchs-là à la radio. Alors, plus cette équipe connaîtra un succès populaire et plus on sera apte à mettre les 68 matchs. Pour l'instant, on est rendu à 34. On est parti de zéro. On en est fiers, mais on sait qu'on a encore un bout de chemin. Déjà, les matchs à l'étranger, c'est une grosse amélioration, Marc. C'est une grosse amélioration et dans l'entente avec l'énergie, on s'est assuré que ce soit plus facile pour les gens d'être capable de suivre les matchs à domicile par l'entremise de la web diffusion. Il y avait certains problèmes techniques sur des appareils mobiles qu'on espère seront réglés pour la prochaine saison. Vous comprendrez que ce n'est pas strictement la plateforme des Saguenay, c'est la plateforme Énergie. De Radio Énergie aussi, exact. Mais nous, on a fait des demandes et on était d'accord du côté de l'énergie à ce qu'il y ait une plus grande facilité à pouvoir suivre les matchs. On espère que ça va aider. Évidemment, le but ultime, on s'en cache pas. C'est d'avoir les 68 matchs sur les ondes traditionnelles de la radio avec une antenne forte qui est disponible partout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mmh. C'est un des défis de notre organisation. On a un très grand territoire où il y a beaucoup de fierté, mais pour nous, c'est très important. Alors, on est content de le faire, puis on sait qu'on a encore un bout de chemin. Dernière question, Marc. Écoute, faut que je te pose la question. T'es analyste des matchs du Canadien. C'est inévitable. Tout le monde parle de ça, encore une fois. Moi, je pensais qu'on allait avoir un break, mais je suis en de piquer Subban contre Shea Weber. Moi, je pense que c'est une bonne transaction. Écoute, tu vas chercher un des 5 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, tu peux pas être contre. Là. Est-ce que c'est une bonne transaction pour le Canadien? C'est une bonne transaction. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une excellente transaction? Au niveau talent, proprement dit, Piqué Subban est un joueur excessivement talentueux. Ouais. Il n'a pas dit son dernier mot dans la Ligue nationale de hockey. À ce niveau-là, je ne sais pas si le Canadien va gagner la transaction, mais que ce soit pour atténuer les distractions, que ce soit pour l'esprit d'équipe, que ce soit pour aller chercher du leadership qui manquait à cette équipe-là. Chez Weber est quand même un joueur qui va s'aligner dans quelques semaines pour la Coupe du Monde, pour l'équipe canadienne, qui l'a représenté aux Olympiques. C'est un droitier, donc on perd pas aux chances du côté position. C'est un défenseur qui est capable de jouer contre les meilleurs éléments. Il est robuste. Il amène beaucoup de choses à l'équipe. C'est sûr que Piqué Subban n'avait pas atteint encore son plein potentiel. De ce côté-là, le Canadien pourrait payer cher la note. Mais la structure du contrat de Shea Weber fait que le Canadien va peut-être être capable de bien gérer et négocier les futures années du contrat de Shea Weber. Et ça risque d'être très important aussi. Weber est un joueur qui est craint par ses adversaires, mais qui est respecté aussi. Alors le Canadien ne perd pas au change dans un avenir très rapproché, à très court terme. C'est sûr que Piqué Subban est probablement le joueur le plus talentueux, surtout offensivement, de cette QV-là, de cette transaction-là. Chez Weber est quand même un joueur qui est capable de marquer des buts en supériorité numérique. Et peut-être aussi alléger la chambre. Tu sais, on a été poli envers Piqué. Dans toutes les réactions des joueurs, Piqué n'était pas un problème. Et moi, j'ai bien de la misère à croire à ça. Donc, ça va peut-être alléger aussi l'atmosphère dans la chambre aussi. On n'a pas à en douter, effectivement. Ben, Marc, on se voit de vive voix le 26 août à Robert-Val. Absolument, avec plaisir. Merci beaucoup. Marc Denis, des Saguenay de